Voici l'histoire d'un homme qui a parcouru tous les océans que le soleil éclaire. Qui a découvert des merveilles et affronté 1000 dangers. Rusé et sacrément chanceux, il a survécu aux tempêtes, aux naufrages et à de terribles monstres. Oui, quels que soient les risques, les périls, il n'a jamais résisté à l'appel de l'aventure. On l'appelle Sinbad, le marin. Ses yeux sont pleins de perles, de diamants et de beautés extraordinaires. Il a fait 7 fabuleux voyages. Je te préviens, mon bichon. Ça risque de secouer. Nous sommes à Bagdad, au temps du calife Haroun al-Rachid. Celui qui traîne assez tard dans les rues de la ville aura peut-être la chance de tomber sur le héros de notre histoire. Oui, je dis bien tomber. Car il n'est pas rare d'apercevoir Sinbad roupillé par terre devant certaines tavernes après leur fermeture. Sinbad adore faire la fête. La vie, il veut la traverser dans la joie, dans l'excès. Depuis que son père, un marchand infiniment riche, est mort, il dépense, sans compter, tous les soirs. C'est festin ou banquet. Mes amis, que cette vie de plaisir dure toujours. Mangeons, buvons, chantons et dansons. Alors, 35 saucisses d'agneau, 40 salades, 50 couscous du désert, 25... Pardon, 50 sorbets à l'orange et 70 verres de vin. Ça nous fait... Oui, 350 dinars. Un soir, alors que Sinbad ouvre sa bourse pour payer sa note au restaurant, horreur, malheur, il découvre qu'elle est vide. Il n'y a plus une seule pièce. Il la retourne, il la secoue, rien. Notre homme éclate en sanglots. J'ai dépensé toute la fortune de mon père. Je suis ruiné. Satan et Sinbad, tu as touché le fond. Pauvre chien. Sinbad, c'est pas très gentil pour les chiens, mais bref, passons. Soudain, comme un éclair qui déchire le ciel, lui reviennent en mémoire les paroles de son père. Mon fils, n'oublie jamais ceci. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ces mots qu'il n'avait jamais vraiment compris révèlent enfin tout leur sens. Mon père a raison. Certes, je n'ai plus le panache d'un lion, mais qu'importe. Je suis vivant! Alors autant en profiter! Un baluchon sur l'épaule, Sinbad se rend dans le port de Bassora, où il embarque sur un navire. Destination l'inconnu! À moi l'aventure! Yahoo! Sinbad, excuse-moi, je t'arrête, mais tu n'as jamais navigué, tu ne voudrais pas prendre une petite leçon avant? Oh purée, Laure, t'as pas mieux à faire qu'en kikiner tes personnages? Dans la vie, il faut prendre des risques pour accomplir de grandes choses. Allez, maintenant du balai, allez, hop. Allez, salut là, ciao. Ok. Bah, je dis plus rien. Oh bah, ça y est, elle est vexée. Oh là là, allez, on t'écoute, raconte-nous la suite. Et c'est ainsi que Sinbad, plus déterminé que jamais, et je dirais même remonté comme une pendule... commence son premier voyage. Son bateau navigue des jours sans s'arrêter. Enfin, l'équipage débarque sur une île si belle qu'elle ressemble au paradis. Ravi, chacun cherche un petit coin d'ombre pour s'installer. Qui fait griller des saucisses sur des grands feux, qui sort sa darbouka et commence à jouer. À la bonne heure! J'aime la vie de ces marins! S'exclame Sinbad. Puis, il tend l'oreille. Un drôle de brouhaha se rapproche à la vitesse grand V. Diable! C'est le capitaine! Complètement paniqué, il déboule en criant en plein poumon! Sauf qu'il peut! Cette île est en fait une grosse baleine! L'odeur de vos saucisses l'a réveillé! Bouillez-vous! Dans les chaloupes! Trop tard. Le sol, déjà, valdingue dans tous les sens. La baleine plonge dans les profondeurs, entraînant Mamma Mia tous les matelots avec elle. La plupart se noient dans les vagues. Sinbad échappe de justesse au flot déchaîné. Accroché à une planche de bois, il dérive, de-ci, de-là, sur la mer, bordée d'écume. Notre homme est désespéré. C'est la fin. Adieu, la terre. Maudit Sinbad. Pourquoi fallait-il que tu répondes à l'appel du grand large? Il faut croire que notre gaillard est chanceux, car il parvient, poussé par les vents, jusqu'à son pays. Ses amis, captivés par son incroyable aventure, l'invitent au restaurant. Et ainsi, chaque soir, il mange et il boit sans dépenser un sou, pourvu qu'il régale son auditoire avec sa merveilleuse histoire de ballet. Mais la fête, étrangement, ne le rend plus si heureux qu'avant. Sinbad décide de reprendre la mer. Ainsi commence son second voyage. Après 2 jours de traversée, l'équipage débarque sur une île. Épuisé, Sinbad pique un petit roupillon. Lorsqu'il se réveille... Oh ! Catastrophe. Le navire a disparu. Maudit marin ! Vous m'avez abandonné ! Fou de rage, Sinbad court partout. Il roule dans le sable et grimpe même au sommet d'un grand arbre. C'est là qu'il aperçoit, un peu plus loin, d'étranges formes blanches, comme de gros galets arrondis. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Intrigué, il se rapproche. Mais ma parole, ce sont des œufs géants ? Soudain, l'île est plongée dans l'obscurité. Bah, il y avait du soleil il n'y a pas 5 minutes. Sinbad lève la tête. Mon Dieu ! Un oiseau gigantesque, dont les ailes cachent le soleil, est en train de se poser sur l'île. Mais bien sûr, c'est un rook ! Je ne savais pas qu'ils existaient pour de vrai. Il paraît qu'ils sont capables de soulever un éléphant. Génial ! Excellente nouvelle ! Vite, Sinbad défait son turban, puis il le tresse pour en faire une corde. Je vais m'attacher à sa patte. Avec un peu de chance, il me ramènera vers le monde des humains. Bien vu, Sinbad ! Rudement ingénieux ! Le lendemain, aux premières lueurs de l'aube, le rook prend son envol. Accroche-toi bien, Sinbad ! Il se lève si haut que Sinbad croit toucher la clé de la voûte céleste. Oh, oh, oh, oh, c'est magnifique! Mais la corde, tout à coup, se casse. Sinbad vient de s'écraser au fond d'une vallée. Ça va ? Rien de cassé ? Non, ça va, ça va, ça va. Mais purée, j'ai eu chaud, hein. Notre héros fait quelques pas lorsque... Oh, miracle ! Il aperçoit là, devant lui, des champs couverts de diamants. Comme ils sont gros ! Comme ils scintillent ! Comme je vais être riche ! Oui, la la la la la la la la la, je vais être riche, la la la la la. Mais, oh oh, une bande de serpents tout visqueux s'approche à toute vitesse. Cours, Sinbad, cours. Bah, tu parles d'une aventure, hein. Parle plutôt d'un plan méga galère, ouais. Enfin, il arrive à trouver refuge dans une grotte où il passe la nuit, la boule au ventre. Le lendemain, il sort. Ouf ! Aucun serpent à l'horizon. Et il n'a pas fait 3 pas lorsque... la carcasse d'un énorme mouton s'écrase juste devant lui. Mais Qu'est-ce que c'est que ce pays où des animaux morts tombent du ciel? Puis, il se souvient. Ouh, décidément, il a une bonne mémoire. D'une histoire qu'un voyageur lui avait racontée à Bagdad. Il existe, par-delà les océans, une vallée remplie de diamants. Le problème, c'est qu'elle est si dangereuse qu'il est impossible d'y mettre les pieds. Ah bon? Oh, zut! Heureusement, des marchands ont trouvé une ruse pour les récolter. Ils jettent depuis le sommet d'une montagne une carcasse de mouton. Les diamants se collent à la chair, puis ils attendent qu'un vautour s'empare de l'animal. Ils récupèrent ensuite les diamants lorsque l'oiseau s'est posé. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Ça te la coupe, non? Ah oui! Oh, complètement fou! Oh, ce mouton mort, oh, à tous les coups, c'est l'un de ces marchands qui l'a jeté! Ni une, ni deux, Sinbad se remplit les poches de pierres précieuses, puis il se glisse sous l'animal en s'attachant cette fois avec un double nœud. Quelques secondes plus tard, un vautour, toute griffe dehors, s'empare du mouton. Yahoo! Sinbad s'envole! Parvenu au sommet de la montagne, dès que l'oiseau se pose, trois hommes saisissent la carcasse. Ils découvrent notre Sinbad qui s'empresse de leur raconter son incroyable aventure. Ah, y a une bande de méchants marins qui m'a abandonné sur une île, bah, j'étais furax. Les trois hommes sont sur les fesses. Personne avant lui n'avait réussi à s'échapper de cette drôle de vallée. Et là, c'est la folie. Avec leur aide, Sinbad rentre à Bagdad, où la vente de ses merveilleux diamants le rend extrêmement riche. Du matin au soir, on se presse devant sa maison pour écouter ses deux incroyables voyages. Ah, c'est sûr qu'il en a vu des choses étranges. Et c'est loin d'être terminé. Au cours de ses troisième et quatrième voyages, Sinbad échappe à un cyclope, puis à un peuple cannibale. Quelle veine! Son cinquième voyage n'est pas moins dangereux. Seul rescapé après un naufrage, Sinbad échoue sur une île où, très vite, il se retrouve prisonnier d'un étrange vieillard. Notre aventurier l'a pris sur son dos pour traverser une rivière. Le bonhomme refuse de descendre depuis et l'utilise pour se déplacer. Plus vite! Sinbad, on a ras le turban! Mais ma parole, mais je suis pas un cheval! Une nuit, il décide de prendre le taureau par les cornes. Ou plutôt, oui, le vieillard par la peau du cou. Hé, le fossile! T'aurais pas envie de goûter ce délicieux petit vin de Bagdad? L'homme accepte avec joie. Il boit jusqu'à vider la bouteille. Ivre mort, il se met à roupiller. Sinbad arrive enfin à se libérer. Youpi! Oui, mais s'il se réveillait avant que Sinbad n'arrive à quitter l'île, s'il le rattrapait! Il n'y a pas d'autre solution. Il faut l'assommer. Vite, Sinbad cherche un gros objet dans la maison du vieillard. Il ouvre les tiroirs des commodes, il fouille dans les placards. Et hélas, il ne trouve rien qui ne fasse l'affaire. Deux grandes chaussures, une trompette, un coussin péteur. Alors, le vieillard était donc loun dans sa jeunesse? Enfin, il finit par apercevoir, là, dans un petit coin, une énorme pierre. Sinbad la soulève, puis il l'abat sur la tête du vieillard, qui meurt sur le coup. Oups! C'était peut-être une trop grosse pierre. Sinbad s'enfuit à toutes jambes. Parvenu près du rivage, il est secouru par un bateau. Vous avez échappé au vieillard de la mer? Eh ben, chapeau. C'est la première fois que ça arrive. En général, ces prisonniers finissent grillés sur 100 barbecues. Sur le chemin du retour, le navire fait escale sur une île dont les eaux cachent d'énormes perles. Sinbad en rapporte en grande quantité, si bien qu'il s'enrichit encore. Très vite, notre homme repart en voyage. Wouhou! Wouhou! Je suis le roi du monde! ainsi passent plusieurs années. Un matin, les cheveux pleins de sel et la peau couverte de piqûres de moustiques, il est de retour à Bagdad. Cette fois, je crois que je vais rester un peu. Glisse-t-il, avant de s'effondrer par terre. Oh, le pauvre, ce 7e voyage, qui sera son dernier, a duré 27 ans. Ainsi se sont déroulées les grandes aventures de celui qu'on appelait Sinbad, le marin. Un jour, toi aussi tu parcourras le monde. Tu connaîtras d'immenses joies et affronteras de très grands dangers. Quoi qu'il arrive, tiens bon! Pense à Sinbad et surtout au grand bonheur que tu auras à raconter plus tard les 1000 péripéties que tu auras vécues. Et si l'envie te prend d'accoster sur une île inconnue, garde-toi d'y faire griller quelques saucisses. Qui sait? C'est peut-être une baleine. Derrière cet épisode des Mille et Une Nuits, il y a Anne-Sophie Ladonne, Fanny Leroy, Benjamin Orgeret et moi, Laure, Grand Besançon. Les Odyssées est un podcast original de France Inter.